بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 138 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan. On est donc arrivé à un passage maintenant où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين المتبعين للكتاب والسنة ليس من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة. Donc le cheikh, au dernier cours on avait mentionné que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait lu des explications par rapport à certains points. Il dit, on avait lu au dernier cours ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون ويكون معهم من له خرق عادة ويكون معهم من له خرق عادة. Donc c'est ça, il disait avant ça, وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ نَوْعٌ مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ كَانَ وَلِيًّا لِلَّهِ. Donc il dit à certaines personnes qui s'imaginent que toute personne qui fait quelque chose de surnaturel ou d'hors de l'ordinaire, extraordinaire, il s'imagine que ça veut dire qu'il est un wali d'Allah. Et le cheikh, il explique que ça c'est une erreur, Et il dit, c'est pour ça que certains d'entre eux, ils mentionnent par exemple que les mouchriquines, ou bien que les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ils ont des gens qui les aident à combattre les musulmans et que ce sont des awliya. Hein? Et ces gens-là, ils mentent. Hein? C'est ça. Certains d'entre eux, ils démentent ou ils nient qu'il puisse y avoir parmi eux des gens qui ont des choses extraordinaires qu'ils sont capables de faire ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit la position correcte, c'est la troisième position. C'est-à-dire la troisième position, c'est qu'il y a parmi eux des gens qui les aident, hein, de leur catégorie, de la même catégorie qu'eux. C'est-à-dire si c'est des juifs, c'est des juifs. Si c'est des chrétiens, c'est des chrétiens. Si c'est des mouchriquins, c'est des mouchriquins. Et ils s'entraident les uns les autres, mais ils ne font pas partie des awliya d'Allah. Pourquoi? Parce que pour faire partie des awliya d'Allah, hein, des serviteurs rapprochés d'Allah, il faut faire partie des croyants à la base. Si quelqu'un n'est pas un mu'min, ne peut pas être un wali d'Allah. Donc si quelqu'un est un mushrik ou kafir ou juif ou chrétien, il ne peut pas être un wali d'Allah. Et donc le cheikh, il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 51 dans sourate Al-Ma'idah, il dit, ô vous qui avez cru, les juifs et, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires là-dessus. Et il dit donc, ma'ahum man yansurhum min jinsihim min al-kuffar wa shayatin, kama hadara fi badr. Donc, le Cheikh, il explique qu'ils ont des gens qui les aident de leur catégorie. Il dit, c'est-à-dire parmi les kuffars, hein, et parmi les shayatin. Donc, ils ont des diables qui viennent les aider. Comme c'est arrivé à la bataille de Badr. Hein, le shaitan était venu donner un support aux mushrikin contre les musulmans. Puis finalement, quand il a vu les anges, hein, il a pris les jambes à son cou, comme on dit. Hein. Donc, il s'est enfui. Le cheikh il dit ensuite par rapport au verset 51 dans sourate Al-Ma'idah, donc qu'ils sont les alliés les uns des autres. Cheikh il dit ash-shahidu fi qawlihi ba'duhum awliya'u ba'd, fa alladhi yahduru ma'ahum إنما هو من جنسهم من الكفار وليس من المسلمين. Donc ils sont les alliés les uns des autres. Et donc celui d'entre eux qui est présent avec eux, eh bien c'est parce qu'il fait partie de la même catégorie qu'eux, c'est-à-dire qu'il fait partie des kuffars, il ne fait donc pas partie des musulmans, donc ça ne peut donc pas être un wali d'Allah. Et il dit ensuite wa ha'ula al-ubad az-zuhad alladhina laysu min awliya illa al-muttaqin al-muttabi'in lil-kitab was-sunnah. Cheikh Al-Fawzan, il dit, par rapport à cela, ces adorateurs et ces hommes pieux qui se détachent de la dunya et ainsi de suite, il dit, ils ne font pas partie des awliya d'Allah. Parmi les pieux, parmi les gens qui suivent le Coran et la Sunna. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, Al-ibadatu idha kanat ala ghayri shari'ati fahiya ibadatun batila. Hunaka ubad, al-nassara, ubad, wal-ruhban. يبكون ويقطعون ينقطعون عن الدنيا ويخلون يخلون يعني يخلون في الصوامع ويبكون بكاء شديدا وهم في النار لأنهم على غير شريعة الله عز وجل. العبادة إذا كانت ليست على طريق صحيح فهي باطلة وتعب بلا فائدة والزهد يزهدون أيضا وعندهم زهد في الدنيا يعني الزهاد من الهند وغيرهم وغيرها يزهدون الدنيا ليس الزهد قاصرا على المسلمين الكفار فيهم زهاد ولكن على غير طريق صحيح يعني زهد على غير طريق صحيح وإلا مثلا غاندي رئيس الهند والذي خلص من الإنجليز يعني هذا زاهد يعني وتارك للدنيا ويتغذى من حليب عنز أو من حليب يعني عنز يعني عنز معه ويذهب بها إلى المؤتمرات من الزهد لكنه زنديق كافر فالزهد منه زهد صحيح شرعي ومنهم زهد كذب. Donc le cheikh il explique que يعني l'adoration une adoration qu'on fait si elle n'est pas basée sur la charia, sur le Coran et la Sunna, eh bien cette adoration là elle est fausse, elle est batila. Et le cheikh explique que il y a des adorateurs. Il y a des gens qu'on appelle des ubad, des adorateurs, des gens qui font beaucoup de prières, beaucoup d'adoration, beaucoup de contemplation, beaucoup de recueillement, et ainsi de suite. Et on trouve ça beaucoup chez les chrétiens, par exemple, parmi les moines, les prêtres, les religieuses. Ils se détachent, ils se coupent complètement de la dunya. Et ils rentrent en séclusion, si on veut. Ils sont séclus dans leur monastère ou dans des endroits réservés à l'adoration. Et ils pleurent, et ils adorent, et ils prient, font beaucoup de prières. Et malgré tout ça, ils seront dans l'enfer. Il dit pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sur la législation divine que Allah a révélée. Et donc l'adoration, elle ne sera pas... Si l'adoration n'est pas sur une voie qui est correcte, eh bien cette adoration elle est fausse. Et c'est quelqu'un qui fait ce genre d'adoration qui n'est pas basé sur la révélation, eh bien il se fatigue pour rien. Il se fatigue pour rien. Et donc il y a aussi des gens qu'on appelle zuhad. En français, certains ils traduisent le terme zuhad par le terme comment ils disent ascétique, ascète, ils disent des ascètes. Bon, peut-être pour les chrétiens et les juifs, on peut appliquer ce terme, mais par contre, il faut savoir que le terme d'ascétisme, ça ne s'applique pas à l'islam parce que le type de choses que les chrétiens et les juifs ou que les mouchriquines appellent ascétisme, ça n'existe pas dans l'islam. Sous la façon que eux ils le font, puisque leur forme d'ascétisme, il est innové, rempli de fausseté et d'égarement. Et certains d'entre eux, justement, ils pensent que de se détacher de la dunya, ça implique qu'on doit se couper complètement du monde, ne plus se marier, ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir aucun plaisir de la dunya. C'est renoncer à tout. D'accord? Or, dans l'islam, zuhd, c'est pas ça que ça signifie. Excepté peut-être chez les gens de bid'a comme les soufis, qui ont déformé justement la signification du zuhd. Et donc, c'est ça que le cheikh, il explique ici. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas utiliser le terme ascétisme, parce que ça a des connotations totalement fausses sur le plan religieux de l'islam. Donc, le cheikh, il explique que ces gens-là, ils ont du zuhd. Ils ont le principe de se détacher de la dunya. Il dit en Inde, tu vois, en Inde, il y a des gens comme ça, des moines, qui s'écartent de la dunya et vivent sans aucune possession. Des moines bouddhistes, des moines hindous, des moines chrétiens, différentes religions aussi. Donc, c'est des ascètes. Et yani, dit le cheikh, le zuhd, c'est pas seulement chez les musulmans que ça existe. Les kuffars, ils ont du zuhd aussi, ils ont des zuhad. Sauf que leur zuhd, il n'est pas fait de la façon qui est acceptable, qui est correcte. Donc ils font un zuhd qui est sur une fausse voie. Et ils donnent l'exemple de Gandhi. Donc Gandhi, c'était un des présidents de l'Inde ou quelque chose comme ça pendant l'époque de la colonisation anglaise. Et c'était un zahid. Il se délaissait de la dunya, il s'éloignait de la dunya. Il allait parfois, il dit le cheikh, il allait dans des conventions, des séminaires. Il partait là-bas avec une chèvre. Il prenait du lait de la chèvre et il buvait ça. Malgré ça, il faisait ça pour le zuhd, mais n'empêche que c'est un kafir, un hérétique, un kafir, un mécréant. Donc il y a un zuhd qui est valide et qui est correct, qui est en accord avec la charia, tandis qu'il y a également un zuhd qui est mensonger, qui est faux. Donc il faut distinguer entre les deux. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وتقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا وإذا حصل من من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne que il y a avec eux des diables, ces zuhad et ces ubad parmi les kuffar. Il y a avec eux des diables. Et c'est possible qu'il y ait donc chez certains d'entre eux justement des actes surnaturels ou extraordinaires qui ne font pas partie des choses que les gens ordinaires sont capables de faire. Et ces choses extraordinaires qu'ils font sont en correspondance avec leur état. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit « Farqun bayna al-karamat allati min Allah » التي هي من الله وبين خوارق الشيطان التي تجري على يد الفاسق والمنحرف والكافر هذه خوارق شيطانية كرامات الأولياء لا تتعارض لأنها من عند الله أما خوارق الشياطين فهي تتعارض لأنها باطل والباطل لا يتفق. Donc ici le cheikh il explique que il y a une différence donc entre les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah et les actes surnaturels que font les diables hein, que les diables font apparaître aux mains des pervers et des gens déviés et des mécréants. Donc ça, c'est des actes surnaturels diaboliques. Tandis que les karamat, les actes miraculeux, les prodiges miraculeux que font les hommes pieux, eh bien ça, on ne peut pas s'y opposer. Il n'y a pas de contradiction dans ces actes-là. Entre les paroles et les actions et le comportement de ceux qui les font et ce qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit le cheikh que la raison pourquoi il n'y a pas de contradiction ou d'opposition dans ces karamat-là, c'est parce qu'elles viennent d'Allah. Tandis que les actes surnaturels que font les shayatin, eh bien, il y a des contradictions dedans parce qu'elles sont basées sur le faux. Et donc, le faux, il n'y a pas d'accord entre le faux, c'est plutôt de la discorde et des désaccords et de la divergence. Donc, c'est des contradictions qui apparaissent dans leurs mains. Ensuite, le cheikh explique que, il dit, il faut donc que l'un d'entre eux, hein, si on regarde parmi les gens qui font des actes surnaturels, parmi les shayatin, et parmi ces gens-là, hein, les awliya du shaitan, il faut absolument qu'il y ait chez eux quelque chose du mensonge, soit par ignorance ou intentionnel. Et il faut qu'il y ait des péchés qui soient faits par eux, que ce soit des choses, le cheikh il dit, c'est des péchés qui vont correspondre à l'état des diables qui sont reliés à eux. D'accord? Donc ça se peut que ce soit des shayatines qui sont plus forts, d'autres qui sont moins forts, ça dépend. Hein? Il y a des différents types de shaitan et différentes catégories de shayatines. Certains sont peut-être plus forts que d'autres. Ala kulli hal, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué entre ce que font ces gens-là, hein, et les awliya d'Allah, pour qu'il n'y ait pas de ressemblance justement entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit wa tubtalu 'inda dhikrillah. C'est-à-dire les choses que les alliés du shaitan font comme acte surnaturel, ça, lorsque le serviteur d'Allah mentionne Allah subhanahu wa ta'ala en présence de ces shayatines, eh bien, les actes surnaturels qu'ils font sont annulés à la mention d'Allah. Pourquoi? Parce que les shayatines ne peuvent pas supporter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rappel d'Allah. Donc, tandis que les karamat, c'est-à-dire les prodiges miraculeux que Allah fait en sorte que ces miracles se produisent ou que ces actes se produisent par la main des hommes pieux, ça, au contraire, lorsqu'on mentionne Allah, eh bien, ils deviennent plus forts et ils augmentent. Donc ça, c'est une des distinctions entre les actes des shayatin et les prodiges miraculeux. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit, « Walamma nadhara, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, al-Battahiyyah, alladhina hum al-Rifa'iyyah, قالوا نحن ندخل النار ولا تضرنا فقال لهم أنا أدخل معكم النار بشرط أن لا نغسل أرجلنا هم كانوا يضعون على أرجلهم أشياء مضرة للنار أو مضادة للنار نعم يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار ويمرون عليها ويقولون دخلنا فيها لأنهم وضعوا على أرجلهم واقيا قال أنا أدخل معكم النار ولكن نغسل أرجلنا بكذا وكذا قبل الدخول فلما قال ذلك أبوا لأنه عرف مكرهم وحيلهم. Donc ça c'est un exemple que j'ai mentionné au dernier cours justement. Lorsque Ibn Taymiyyah avait débattu avec la Tariqa al-Rifa'iyya parmi les Soufis, ils se sont plaints aux dirigeants à l'époque que Ibn Taymiyyah les réfutait. Et ils n'ont pas aimé ça. Alors ils sont allés voir le dirigeant de l'époque, ou le juge, pour demander au juge de forcer Ibn Taymiyyah à cesser de les critiquer. Hein? Et ça, c'est une des méthodes des gens de Bid'a, yani, Allah al-Musta'an. Quand ils n'ont pas d'argument, ils essaient d'utiliser le pouvoir ou l'autorité, yani, en leur avantage. Hein? Sauf que Ibn Taymiyyah, yani, il avait tellement de connaissances et d'expérience avec ces gens-là qu'il connaissait toutes leurs ruses. Alors, quand il a débattu avec eux, à ce moment-là, ils ont dit, nous, on est capable de rentrer dans le feu, et le feu, ça nous brûle pas. Hein? Donc, les soufis, ils font ce genre de cirque-là. Ils pensent qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qu'ils font des karamates pour s'élever aux yeux des gens et faire croire aux gens qu'ils sont du côté d'Allah. Alors, ils veulent se faire passer pour des awliyas, donc ils utilisent des tours. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des produits sur leurs pieds pour que ça ne les brûle pas. Hein? Alors, ils disent, on est capable de rentrer dans le feu, puis le feu ne nous brûle pas. Alors, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, moi, je vais rentrer dans le feu avec vous. Il dit, sauf que, yani, à condition que vous laviez vos pieds avant de passer dans le feu, avec du vinaigre ou quelque chose comme ça, pour enlever la substance qu'ils mettent sur leurs pieds pour se protéger du feu. Alors à ce moment-là, ils ont refusé, hein, de passer dans le feu à cette condition-là. Donc le cheikh, il dit ça, c'est parce que Ibn Taymiyyah connaissait parfaitement leurs ruses et leurs trucs, yani. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينَ تنزل على كل أفاك أثيم والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغنى والملاهي وهو سماع المشركين. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que Allah عز وجل, il mentionne à la fin de Sourate Al-Shu'ara, le verset 121 et 122, « Voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tous les menteurs, pécheurs. » Et donc, « Al-Affak » en arabe, c'est celui qui dit beaucoup de mensonges. Parce que en arabe, le mot « ifk »,« al-ifk », c'est yani, le mensonge, l'histoire inventée, hein, « al-ifk ». Et Al-Afik, c'est celui qui invente des histoires. Et Al-Afak, c'est la forme exagérée de ce terme, justement, celui qui invente constamment des histoires. Et en d'autres mots, c'est équivalent au terme Al-Kadhab, c'est-à-dire celui qui ment beaucoup. Et Al-Athim, Kadhab, hein, Al-Afak, et Afak et Athim, Athim, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est pécheur, qui fait des péchés, qui est pervers. Donc, al-athim, ça vient du mot ithm, ithm qui veut dire le péché. Et donc, yani, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, il dit, innahum qalu inna al-Qur'ana innama huwa sihr, tanazzalat bihi ash-shayatin ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah azza wa jal, وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إلى أن قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الشياطين ما تتنزل على أولياء الله وإنما تتنزل على أعداء الله لتفتنهم. Donc le cheikh, il explique ici que les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ils ont menti en disant que le Coran c'est de la sorcellerie. Hein. Ils ont dit, ah, ça c'est de la sorcellerie. Souvent, ils ont même appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un sahir, c'est-à-dire un sorcier. Et ils ont dit que c'était les diables qui descendaient avec le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal, il les a réfutés à ce sujet-là dans le Coran, les versets 210 à 212, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, yani, ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec, c'est-à-dire avec le Coran. Et cela n'est pas convenable hein, pour eux, et ils n'en sont pas capables, car hein, ils ne peuvent pas l'entendre. Ils sont écartés de l'entente du Coran ou de l'écoute du Coran, puisque le Coran, ça leur fait du tort, ça leur nuit quand ils l'entendent, et ils ne peuvent pas supporter. Les diables ne peuvent pas supporter d'entendre le Coran. Jusqu'à ce qu'ils disent, et voulez-vous que qu'on vous informe hein, sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout menteur, pécheur. Donc ils descendent sur les diables, hein, et les diables descendent sur qui? Ils descendent sur les ennemis d'Allah, et non pas sur les alliés d'Allah. Les serviteurs d'Allah, les diables ne peuvent pas les approcher, tandis qu'ils se rapprochent des ennemis d'Allah pour les éprouver et les tester. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, et من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية. Parmi les choses qui renforcent encore plus les états diaboliques du shaitan, il y a le fait d'écouter de la musique et des chants. Hein? Et ça, c'est ce que les mushrikines écoutaient. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit: وهذا فرق آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن. كرامات الرحمن تقوى مع ذكر الله عز وجل وخوارق الشيطان تقوى مع المعاصي مع الغنى والدفوف ولذلك يحضرون الدفوف ويقولون نحن أولياء الله ويحضرون الدفوف والمغنيين ويغنون ويضربون الدفوف ويسمون ذلك ذكرا لله وهو ذكر للشيطان ولهذا هذا لهو وباطل فيعني خوارقهم تنشط مع المعاصي والدفوف والمزامير والأغاني الماجنة أما كرامات الأولياء فإنما تزيد بذكر الله عز وجل وَبِطَاعَةِ. Donc le cheikh, il mentionne une autre distinction entre les actes surnaturels que font les shayatines, les diables, et les karamates, les prodiges miraculeux que font les alliés d'Allah. Hein. Il explique que les actes, les prodiges miraculeux qui viennent du tout miséricordieux, qui viennent d'Allah, Azza wa Jal, elles deviennent plus fortes en présence du rappel d'Allah. Tandis que les actes surnaturels que font les diables, elles deviennent plus fortes en présence des péchés, en présence de la musique, des chants, des tambours. Hein. Il dit, c'est pour ça que ils sont présents lorsqu'il y a des tambours ou des tam-tams ou des choses comme ça. C'est là que ces diables-là se réunissent et qu'ils assistent à ces choses-là. Parce qu'ils aiment ce genre de choses. Hein? Et tu le vois même, je me rappelle, yani, quand j'ai vu les cérémonies que faisaient les gens qui sont voodooisants et qui adorent les djinns. Et la même chose, tu le retrouves chez certains égarés parmi les soufis, hein, que ce soit les Issaouis et les Gnawa et d'autres groupes égarés comme ça également qui font du shirk et qui appellent au shirk. Eh bien, ils font leur cérémonie avec les tambours et les chants et les flûtes. Et yani, ils appellent les diables avec ça, hein? Ils appellent les shayatines avec ça. Et ils prétendent appeler des awliyas d'Allah ou de contacter des êtres comme c'est des anges ou bien des êtres yani, des êtres de bien, alors qu'en réalité c'est des diables, des djinns avec lesquels ils font affaire, hein? Et pour les attirer, ils utilisent ces formes de musique, hein, et ces rythmes et ces sons, parce que les diables aiment ça. Donc le cheikh explique que ça, c'est une autre différence entre les awliyas d'Allah et les awliyas du shaitan. Yani, ils aiment, hein, ces choses-là, la musique, les tambours, les percussions, les choses comme ça. Et eux, ils appellent ça parfois même du dhikr d'Allah. C'est-à-dire, ce qu'ils font avec les instruments de musique, ils osent appeler ça le rappel d'Allah, alors qu'en réalité, c'est le rappel du shaitan qu'ils font. Et c'est du divertissement faux, hein? Et c'est de l'égarement qu'ils font. Et donc, les actes surnaturels qu'ils pratiquent, là, ou qu'ils font, c'est en présence de ces musiques-là ou de ces péchés-là qu'ils sont capables de les rendre plus forts. Avec de la musique, avec des chants, avec des choses de ce genre. Donc, quand ils font ça, ça augmente encore plus leur énergie, hein, quand ils entendent ces musiques-là. Tandis que les karamat, hein, les vrais prodiges, les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah, qui sont faits par les serviteurs rapprochés d'Allah, eh bien, ils n'augmentent que par le rappel d'Allah seulement et par l'obéissance d'Allah. Hein? Et c'est ça, c'est une grande différence entre les deux. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: وقال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. Donc ici le cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 35 dans Surat Al-An'am, dans Surat Al-Anfal, verset 35 Surat Al-Anfal, que leurs prières, hein, ou leurs invocations auprès de la maison, hein, la maison sacrée de la Mecque, hein, la Kaaba, c'était uniquement des clappements de mains et des sifflements. C'était ça leurs invocations et leurs du'as et leurs ibadah. Hein? Donc le cheikh, il dit, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, ils ont expliqué que at-tasfiya, c'est at-tasfiq bil-yad. At-tasdiya, c'est ça. At-tasdiya, c'est at-tasfiq bil-yad. C'est-à-dire de taper des mains. Et al-muka, c'est as-safir, hein, mithl as-safir, c'est-à-dire les al-muka, ça veut dire les sifflements. Donc les mushrikoun, c'est ça, c'était ça leur adoration. Et le cheikh, il dit ici: wa sama'u al-mushrikin wa ma kana salatuhum 'inda al-bayt al-ka'ba muka'an, yani wa huwa as-safir wa tasdiya, yani wa huwa tasfiq. يعني يصفرون ويصفقون. ومن العجائب أنه من المبايرات، مبايرات تسمع التصفيق والصفير، المباريات يعني تسمع التصفيق والصفير. أما تسمعون هذا؟ سبحان الله، تسمع عند تصفيق، عندهم تصفيق وتصفير أو وصفير، عندهم تصفيق وصفير. وهذا من أين ورثوه؟ ورثوه من المشركين، فيتخذون التصفيق والصفير عبادة، وهو معصية. وهو معصية. Donc le cheikh, il explique que يعني les mushrikoun, Hein, les mouchrikoun, les choses qu'ils écoutaient, hein, et les choses qu'ils prenaient comme adoration dans leurs écoutes, c'est, il y en a comme on a mentionné dans ce verset, dans Sourate Al-Anfal, le verset 35, lorsqu'ils étaient près de la Kaaba, hein, ils faisaient leur prière comment? Avec des clappements de mains, avec des sifflements. Et donc, le cheikh, il dit, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait des mains et il sifflait. Il dit, qu'est-ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que quand il y a des matchs de foot, hein, des matchs de foot dans les pays musulmans, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les jeunes, hein, souvent, beaucoup de jeunes, ou même des moins jeunes, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent des mains, puis ils sifflent. Et beaucoup de leur musique, c'est comme ça qu'ils le font. Et donc, le cheikh, il dit, est-ce que vous les entendez pas faire ça? Hein, siffler, puis taper des mains? Il dit, subhanallah. Il dit, c'est comme si, hein, yani, subhanallah, est-ce que vous les entendez pas faire ça? Il dit, de qui est-ce que vous pensez qu'ils ont pris ça de qui? Ils ont hérité de ça de la part de qui? Il dit, de la part des mouchriquines. Hein? Donc, ils prennent le fait de faire des clappements de mains et des sifflements, ils en font une adoration. Et ça, à la base, c'est... Hein, un péché, c'est pas permis. Donc comment est-ce que ça pourrait être une adoration puisque c'est haram? Et le cheikh, il dit ensuite, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il dit, « Wa amma al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu fa'ibadatuhum ma amara allahu bihi. Ma amara allahu bihi min as-salati wal-qira'ati wal-dhikri wa nahwi dhalik. » والاجتماعات الشرعية ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. Donc le cheikh, il explique ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, leur adoration, hein, c'était ce que Allah a ordonné, comme la salat, hein, de même que le dhikr, hein, et la récitation du Coran. Il dit, wa nahwi dhalik, et ainsi de suite. Et il dit, Ça fait partie des choses pour lesquelles on peut se réunir dans les limites de qu'est-ce qui a été légiféré. Il dit par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ils ne se réunissaient pas pour entendre de la musique ou des chants, jamais. Hein? Ni avec les mains, ni avec le dof, ni avec des sensations ou des états ou peu importe. Pour faire tomber son manteau ou des choses comme ça, comme le disent les soufis. Le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici, il dit Majtama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa la ashabuhu ala al-aghani wa al-dufuf wa innama yajtami'un ala tilawati al-qur'ani wa ala dhikrillahi wa ala durus al-ilm hadha alladhi yajtami'una alayhi. أما أولئك فيجتمعون على البكاء على المكاء والتصدية والطبول والمزامير والأغاني التي تفسد القلوب وتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais réuni avec ses compagnons pour écouter de la musique ou pour faire battre le tambour ou des choses de ce genre. Il se réunissait uniquement pour réciter le Coran, hein, le rappel d'Allah et pour les cours au sujet de la science dans l'islam. Donc, c'est autour de ces choses-là qu'il se réunissait. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui font des actes de bid'a et de shirk aujourd'hui, ils disent ceux-là, ils se réunissent, hein, sur les frappements de mains et les sifflements, hein, et les tambours et les flûtes, et toutes sortes de chants qui corrompent le cœur et qui distraient du rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit ensuite, « Bal, kullu dhalika kadhibun bittifaqi ahli al-ilm. » Il y en a parmi les soufis, ils racontent des mensonges à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propos des sahaba, hein. Et j'ai entendu des fois même certains d'entre eux qui prétendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que quand il a entendu telle ou telle chose, justement le cheikh il le mentionne ici. Il dit يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه حضر مجلس صوفية يعني سمع الغنى قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي يقولون لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيت تمايل حتى سقطت بردته وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحفاظ المتقنين الذين نقدوها وأخرجوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها وميزوها فلم يتمكن هؤلاء من الدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق لقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا يتمكن فلا يتمكن ملحد أو منافق أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود هؤلاء الحفاظ. Donc le cheikh, il explique que ces gens-là, les soufis, ils mentent. Ils prétendent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est présenté dans une des rassemblements des soufis pour entendre de la des chansons. Et quand il était là-bas, il a entendu un vers de poésie qui dit « قَدْ لَعَسَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي فَلَا طَبِيبَ لَهَا وَلَا رَاقِي hein? » Donc, Allahu al-Musta'an. Ils disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ce vers de poésie, il a commencé à se pencher d'un côté et de l'autre. Tamayala. Comme s'il commençait à bouger. Hein? Et il a bougé à un point tel que c'était comme si son vêtement, son manteau, il est tombé de ses épaules. Et le cheikh, il dit, ça c'est un mensonge contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que, alhamdulillah, hein, alhamdulillah, louange à Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait dans cette ummah des savants qui connaissent les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qui vont réfuter ce genre de mensonge. Il dit parce que ces gens-là, ils inventent des mensonges contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a fait en sorte qu'il y ait des hommes qui viennent nettoyer, protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement distinguer entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux que c'est gens-là ont inventé des choses qui sont fausses, qui sont fabriquées. Et donc, les ulama, alhamdulillah, parmi les mémorisateurs de la sunna, qui maîtrisent le domaine de la sunna et des hadiths, quand ils ont analysé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait sortir les hadiths authentiques de ceux qui sont faibles et de ceux qui sont fabriqués, et de ceux qui sont qui ne sont pas authentiques, et ils les ont distingués. Donc il ne reste plus de place pour que ces gens-là hein, parmi les égarés, puisse justement corrompre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça correspond justement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à ce sujet-là, lorsqu'il a dit dans le verset 9 dans Surat al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rappel et nous allons certes le préserver. Donc personne, que ce soit un mulhid, un athée ou un hypocrite, hein, peut se permettre de mentir contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à cause justement de la présence de ces savants mémorisateurs qui ont préservé pour nous la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier point qu'on va lire aujourd'hui, parmi les paragraphes, peut-être qu'on pourrait lire encore un autre. Oui, peut-être on pourrait lire encore un autre encore. Il nous reste à peu près 10 minutes. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا اجْتَمَعُوا أَمَرُوا وَاحِدًا مِّنْهُمْ أَنْ يَقْرَأَ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأوه وهم يسمعون وهم يستمعون. Le Cheikh, il explique Ibn Taymiyyah que lorsque les Sahaba, ils se réunissaient pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il demandait à l'un d'entre eux de réciter le Coran, tandis que les autres écoutaient. Hein? Et ça, c'est rapporté par Ibn Hibban al-Darimi, et c'est rapporté également par Abdul Razzaq dans Al-Musannaf. Donc il explique que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, des fois il disait à Abu Musa al-Ash'ari, hein, parce qu'il avait une très belle voix, il lui disait, rappelle-nous de notre Seigneur. Alors, il leur récitait. Hein, tandis que les autres, ils écoutaient. Yani, c'est différent de ce que font aujourd'hui beaucoup de gens dans certains pays, des pays musulmans, et en particulier, j'ai vu ça au Maroc. Hein, les gens, là-bas, dans les mosquées, j'ai vu qu'ils se réunissaient après la prière de Fajr et après la prière de Maghreb et ils récitent le Coran. Donc, il n'y a pas de mal à réciter le Coran. Hein? Réciter le Coran, c'est une ibada. Hein? C'est ordonné par Allah. Sauf que il y a des façons de le faire dans la sunna. Et ici, on voit que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il demandait à Abu Musa al-Ash'ari, hein, radiyallahu anhuma, de réciter, alors que les autres, ils écoutaient. Donc ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba, qu'il y en a un qui récite, les autres, ils écoutent. Pas tout le monde, ils récitent en même temps. Et c'est ça, en fait, le problème de ce qu'on a constaté parmi les gens qui font cette bid'a au Maroc, en particulier. Subhanallah. Et donc, après le Maghreb et après le Fajr, ils se réunissent, puis ils récitent le Coran et ils récitent tous en même temps, à l'unisson. Hein, et ils ne respectent aucune règle de tajwid. C'est juste qu'ils ont une façon étrange de réciter le Coran sans respecter aucune des règles de la récitation du Coran. Donc ça, c'est un petit peu étonnant de voir ça. Mais en même temps, yani, subhanallah, c'est des pratiques qui ont été innovées, hein, probablement par les soufis. Hein. Et les gens, ils les font aujourd'hui, ils ne savent même pas c'est qui est-ce qui leur a dit de faire ça. Si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, tu lui dis qui a fait ça le premier parmi les musulmans sur la terre qui a fait ça. Est-ce que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas, hein, ils ne savent pas qui l'a fait. Ils ne savent pas d'où ça vient non plus. Donc, il y a le Cheikh Taqiyuddin Al-Hilali, Al-Maghribi, Rahimahullah, un des grands savants qui était du Maroc, justement. Il a écrit un livre, justement, sur ce sujet-là. Et il a expliqué que c'était parmi les innovations, que ça fait partie des innovations. Donc, alhamdoulillah, et même beaucoup de les musulmans du Maroc qui disent qu'ils sont, en grande partie, ils disent on est des Malikis, on fait partie du madhhab al-Maliki. S'ils faisaient partie du madhhab al-Maliki, ou s'ils suivaient le madhhab de l'imam Malik, eh bien, ils devaient savoir que déjà, en partant, l'imam Malik, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais pratiqué ça. Il n'a jamais approuvé non plus de cette pratique-là. Donc ça, c'est important de le savoir. Et le cheikh, il dit également, il dit, « Ijtama'u ala kitab Allah, wa yakuluna hadha dhikru Allah. Wa kana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu lahu sawtun hasanun fil Qur'an. Wa kana an-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yastami'u ilayhi wa huwa yusalli bil layl. ويتلذذ بصوته رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتمعوا أمره أن يقرأ وهم يستمعون يتلذذون بالقرآن ما يتلذذون بالمكاء والتصفية والدفوف والأغاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il explique que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu il avait une très belle voix quand il récitait le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'écouter et parfois il faisait la salat la nuit et il savourait hein, d'entendre sa récitation de même que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'ils se réunissaient ensemble il lui ordonnait de réciter le Coran. Et eux, ils écoutaient et ils savouraient le plaisir de sa récitation qui était tellement belle. Donc, ils ne prenaient pas de plaisir à faire des sifflements et des clapants, des taper des mains, hein, non, ni des instruments de musique ou des chants ou des instruments de percussion ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est. Un exemple, puis le cheikh il dit wa marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi abi Musa al-Ash'ari wa huwa yaqra fa qala lahu marartu bika al-bariha wa anta taqra fa ja'altu astami'u li qira'atik fa qala law 'alimtu annaka tastami'u lahabbartuhu lahabbartuhu laka tahbiran ay lahassantuhu laka tahsinan. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. Donc il dit une fois, le Cheikh l'Islam, il dit qu'une fois le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est passé près de Abu Musa al-Ash'ari alors qu'il récitait le Coran. يعني pendant la nuit, il faisait la salat. Cheikh al-Fawzan dit يعني في الليل يصلي. فقال له مررت بك البارحة. Donc il dit, je suis passé près de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Musa, je suis passé près de toi la nuit dernière, et toi tu récitais, et j'ai commencé à écouter ta récitation. Alors Abu Musa a dit, radiyallahu anhu, si j'aurais su que tu écoutais, j'aurais embelli ma voix encore plus. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan il dit يعني لو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليه لزين صوته أكثر مما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطاه حسن الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc il dit c'est ça, il aurait embelli encore plus sa voix s'il aurait su que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était en train de l'écouter parce que Allah lui a donné une très très belle voix. Et il dit ensuite يعني comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, embellissez vos voix, hein, embellissez le Coran par vos voix. Hein? Et ça c'est un hadith aussi. Et le cheikh il l'explique. Le cheikh al-Fawzan il dit, ولذلك يستحب للقارئ لقارئ القرآن أن يزينه بصوته. ولا يهذي اي نعم ولا يهذيه ولا يهذيه هذا الشعر ولا يهذيه هذا الشعر أو ينثره نثر الدقل. نثر الدقل يعني وهو الرديء اليابس من التمر. أي نعم. وإنما يزينه بصوته ويؤديه أداء حسنا حتى يؤثر في نفسه ويؤثر على السامعين، ولكن لا يبالغ بما يسمع بما يسمونه التجويد الآن، يعني يمطون ويمللون السامع، يمطون القرآن ويشتدون في الغنى في الغنة ومخارج الحروف حتى يولدوا حروفا زائدة، ويمللوا السامع ويثقلون على المصلين بهذه التلاوة المتكلفة. القرآن إذا جاء عن اعتدال أثر، وإذا جاء عن تكلف فإنه لا يؤثر. Donc ici le cheikh il explique que c'est bien de réciter le Coran et de l'embellir avec sa voix, mais il faut pas le réciter comme si c'était de la poésie, et il faut pas non plus le lire normalement comme quand on lit un texte. Il faut l'embellir avec sa voix et le faire avec une belle voix, mais en même il dit dans le but de que quand tu le récites, ça t'affecte toi-même et ça affecte les gens qui l'entendent, mais sans non plus exagérer avec ce que les gens aujourd'hui appellent le tajwid. Et des fois, le tajwid, c'est devenu exagéré dans certains cas, puisqu'ils vont exagérer dans la runna. Ils vont le faire d'une façon exagérée. Et les makharij al-huruf, la façon comment ils font les points de phonétique là, quand ils font sortir les lettres, il y en a qui exagèrent sur ces choses-là au point de sortir des lettres supplémentaires qui ne sont pas dans le Coran, et des fois ils vont aussi ennuyer les gens qui écoutent, et dans la récitation pendant la salat, eh bien, ils rendent la récitation plus lourde pour les gens, et ça devient exagéré. Hein? C'est pas naturel. Comment il lit, ça paraît que c'est forcé. Donc, le Coran, il est venu d'une façon modérée. Hein? Donc, quand il est lu de façon modérée, il va avoir un effet. Mais si il est récité d'une façon exagérée, qui est forcée, eh bien, ça ne va pas avoir d'effet. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui inshallah, et on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah la suite de ce cours. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup, hein, on a presque fini le livre. Ça va, Moussa? Alhamdulillah. Je te remercie. Hein.